fanatismo. En Ligue 1 ce soir, Lille rencontre Saint-Étienne, Monaco se déplace à Marseille et Istres reçoit l'Olympique Lyonnais. Et puis je vous l'annonçais en ouverture de ce flash, un grave incident a eu lieu il y a quelques minutes à peine à la station de métro République à Paris. Selon les premières informations dont nous disposons, il y aurait une victime. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Étienne Lagrange, place de la République. Étienne, vous êtes à l'entrée de la station de métro, de quelles informations disposez-vous exactement ? Eh bien Coralie, la situation reste pour l'instant très confuse. Les grilles ont été tirées à l'entrée de la station et les agents de la RATP ne laissent entrer absolument personne. Seuls les usagers qui souhaitent regagner l'air libre sont encore autorisés à circuler. Et si l'on en croit ses premiers témoins, il semblerait qu'une petite fille soit morte en tombant sur les rails. L'accident aurait eu lieu vers 18h30 environ et si on en ignore encore les circonstances exactes, c'est apparemment une bousculade entre quelques usagers et des agents de sécurité qui seraient à l'origine du drame. De leur côté, les employés de la RATP présents sur place se refusent pour l'instant à faire le moindre commentaire. En direct de la place de la République, Étienne Lagrange pour FPI. Merci Étienne, nous vous recontactons bien sûr dans le journal de 19h30 pour faire le point sur ce drame. Un drame qui vient d'avoir lieu à la station de métro République à Paris et qui, je vous le rappelle, pourrait avoir fait une victime. Pour ceux qui comptaient circuler en métro ce soir, sachez que le trafic est très perturbé. Les lignes 3, 5, 8, 9 et 11 sont pour l'instant arrêtées et la station de métro République est bien sûr fermée. La météo pour demain, on l'attendait, c'est la neige qui arrive. Les premiers flocons tomberont dans l'est à la mi-journée.